tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues mains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Chaud devant, une série de Michel Pomarède réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a les restaurants qui ne rouvrent pas. L'envie furieuse de grandes tablées ou d'un petit coin de zinc pour se retrouver et se souvenir d'un restaurant familial où le père et ses deux fils cuisinaient ensemble. Alors pour commencer, les personnages. La fille des propriétaires, un stagiaire aux oignons, une pâtissière du petit écran, une femme et ses souvenirs, des forains lève-tôt et un saucier rôtisseur. Ensuite, le décor. L'après-guerre, un hôtel, des cuisines, des amuse-bouches, une queue de bœuf, des journées interminables, une bisque sans âme, des truites, une rivière et des têtes de veau. Aujourd'hui, 3e épisode, on arrive à destination. Chaud devant. Michel Pomarède, François Teste. Restaurant L'Univers, une histoire de famille. Christiane, où est-ce qu'on est ? À Villefranche. Villefranche de Rouergue. Villefranche de Rouergue. Sur le pont. Au bord de l'Aveyron. Au-dessus de l'Aveyron. Au-dessus de l'Aveyron, c'est ça. Devant nous, l'office du tourisme. Oui. Derrière nous, l'hôtel de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué exactement ? Hôtel de l'univers, restaurant. Voilà. Et il y a combien d'étoiles ? 2. Et la lettrine, elles sont de quelle couleur ? Rouge. On les voit bien. Combien d'étages ? 3 étages. Vous, Christiane, dans cette maison qui s'appelle l'univers, vous êtes qui ? Je suis Christiane Cancé. Ce sont mes parents qui ont acheté l'hôtel. En quelle année ? En 47. Alors on va rentrer tout doucement. Oui. Donc en 47, c'était quoi ici ? C'était marqué Grand Hôtel de l'univers. Vous avez déjà marqué Grand Hôtel ? Grand Hôtel de l'univers. Donc le mot grand a disparu. Voilà. Et donc, il y avait l'hôtel, mais en bas, c'était quoi ? En bas, c'était un café, et nous n'avions que l'hôtel et le restaurant, nous, à l'époque. Là, c'était l'entrée. Ça, c'était ? La réception. Ça, la réception de l'hôtel était au premier étage. D'accord. Il fallait monter au premier pour rejoindre le restaurant et l'hôtel. On m'a dit qu'ici, c'était un économa, c'est-à-dire une épicerie. C'était une épicerie, mais c'était un marchand de meubles avant, d'accord, avec un sous-sol, et ensuite, c'est un économa. Si on montait le premier étage ? Montons au premier étage. La montée des marches de l'univers, c'est également une remontée dans l'histoire de cet établissement centenaire qui a fait les belles heures gastronomiques de Villefranche de Rouergue. C'est aussi désormais une archive, car depuis les enregistrements de février 2020, le restaurant a fermé. Ultime plongée dans l'ambiance des cuisines. Votre rôle dans la cuisine, c'est quoi ici ? Je m'occupe surtout de la pâtisserie en ce moment. Je travaille de pâtisserie et les fonds, les jus, tout ce qui est jus, fonds de sauce. Ça. Et voilà, ben, c'est déjà pas mal. Là, c'est de la queue de bœuf pour faire un petit marbré au foie gras. On utilise la queue de bœuf qu'on y met. On fait un petit, comme un genre de biscuit, mais à base de pressé de queue de bœuf. On met du foie gras qu'on églace au ratafia, qui est un vin régional, de la région. Et dessus, on met une gelée au ratafia. Et ça fait un petit marbré au foie gras. Depuis combien de temps vous êtes cuisinier ? Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et j'avais fait l'apprentissage ici, avec l'arrière-grand-père de Quentin. Voilà, ça remonte à à quelques années. Et après, j'avais travaillé à Millau et je suis revenu après ici, voilà. Donc, ça fait... C'est quoi le prénom de l'arrière-grand-père de Quentin? Monsieur Calcé, il s'appelait. Roger Calcé. Qu'est-ce qu'il vous a transmis? De quoi vous vous rappelez? Mais je leur dois tout. C'est lui qui m'a appris les bases de la cuisine, surtout traditionnelle. Ouais. Ah oui, entre son grand-père, Monsieur Bourdi, et son arrière-grand-père, Monsieur Calcé, ouais, c'est eux qui m'ont appris toute la cuisine. Après, tout ce que je sais maintenant, c'est que je vois eux. Pourquoi vous, Laurent, vous avez commencé la cuisine à 15 ans? J'étais gourmand, à la base, donc c'est venu naturellement. Tout simplement parce que j'étais gourmand. Ça n'a pas changé d'ailleurs, mais... Vous nous présentez les personnes qui travaillent avec vous? Oui, ben là on a Lisa qui est stage, qui est à stage de... C'est quoi? Souillac. À Souillac, voilà. Tu fais un... Bac STHR. Et après on a Abdou, le CAP, et Tristan, qui lui est chef de partie, et en même temps il fait les compagnons, donc voilà, après il va faire son petit tour de France à les compagnons. Et la même de tête. Qu'est-ce que vous faites? Je dois ciseler les oignons. Déjà un gros tas d'oignons devant vous. Qu'est-ce que ça fait de travailler les oignons à 9h du matin? C'est l'apprentissage de la cuisine. Pourquoi vous avez choisi ce restaurant pour faire votre apprentissage? Parce que déjà j'avais vu Noémie et Quentin à Top Chef. Et je les avais beaucoup aimés dans l'émission. Et ensuite, on doit rechercher des stages dans ma filière pour pouvoir s'entraîner. Et je suis tombée sur ce restaurant qui m'a beaucoup plu. Et j'ai envoyé un CV et voilà. Pourquoi avoir choisi la cuisine comme spécialisation dans vos études? Moi, je ne fais pas seulement cuisine, je fais cuisine, service et hôtellerie. C'est quoi le déclic? Mes parents travaillent dans la restauration. Du coup, ben, j'ai suivi leurs traces. Donc, je connais ce monde depuis que je suis petite. Ça vous fait pas peur? Non, ça va. Le monde de Noémie Bourdi, ce sont les desserts, le sucré et aussi en 2012 et 2013, l'émission Top Chef. C'est donc sur un plateau de télévision qu'elle a rencontré Quentin, son futur mari. Ensemble, ils fondent une famille et reprennent les rênes de l'univers. Noémie, on s'est un tout petit peu écarté de la cuisine qui est ouverte sur la salle. Et là, je découvre sur le grand tableau noir cette citation hilarante de Pierre Desproges que vous allez nous lire. Si vous voulez faire cuire des carottes sans casserole et sans eau, c'est très simple. Vous prenez 9 carottes, c'est très important. Vous prenez vos 9 carottes, vous les comptez bien soigneusement. Les carottes sont 9. Vous jetez une des 9 carottes, les carottes sont cuites. Et c'est Pierre Desproges qui a écrit ça. Championne de France de pâtisserie. De dessert. Avec, on voit, de vous donner des cours à des adultes, à des enfants. Donc le sucré, c'est venu comment dans votre vie, vous? Alors moi, là-bas, je voulais être architecte d'intérieur. Donc tout ce qui est créativité, enfin voilà, j'ai toujours adoré. Et après, je suis tombée sur un reportage, j'avais quoi, 13-14 ans, j'étais en quatrième, sur l'école hôtelière. Et j'ai trouvé ça sympa, cette rigueur, et le côté artistique, on le retrouve dans l'assiette. Mais à la base, moi, c'était pour la cuisine. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Nice, donc je suis rentrée en bac technologique, j'ai fait 3 ans. Après, j'ai fait un BTS en art culinaire. Donc là, en fait, on est formé aussi tout ce qui est métier de la salle, qui est très passionnant. J'ai adoré, du coup, j'ai découvert le contact avec le client. Et puis, ben, après le BTS, on était plus ou moins formés en sommellerie, en salle, en gestion hôtelière, en hôtellerie un petit peu, et évidemment en cuisine. Et je dis, je suis super gourmande, je vais m'orienter un petit peu vers la pâtisserie pour être un petit peu formée sur tout et être un petit peu autonome. Et du coup, le côté créativité, il est décuplé. Je veux dire, au niveau des matières, du chocolat, du sucre, du dessert assiette. Enfin, je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. Donc là, il y a une possibilité de créativité qui ne s'arrête jamais au niveau des textures, des formes. Et puis, le côté pâtisserie aussi. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont reconnues. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune meilleure ouvrière de France en pâtisserie. Et voilà, j'ai dit, tiens, je vais m'orienter vers la pâtisserie. Ça a été vraiment une révélation sur la créativité. Donc moi, je m'éclate. Vous avez deux enfants, Evie et Zachary. Zachary qui a 3 ans, Evie qui a 2 ans. Donc, est-ce qu'ils goûtent les desserts de maman? Ils goûtent, ouais, ils mangent, ils jugent, et ils font. Ils font avec moi. Donc je suis super fière. Cuisine de l'univers, on entend Laurent, Lisa et Abdoul s'activer. Vous, Tristan, vous êtes ici dans la cuisine de l'univers depuis combien de temps ? Deux ans, je suis en tant que chef de partie des entrées et j'aide Quentin aux garnitures quand il y a besoin et je m'occupe principalement de tout ce qui est apéritif, ces petites cassolettes qu'on sert quand les gens ils prennent des apéritifs, c'est une crème rafraîchie montée avec des herbes pour manger à tartiner sur du pain. Et amuse-bouche et tout ce qui est entré sera mis en place. Vous faites un tour de France, c'est ça de... Oui. Racontez-moi, vous êtes compagnon donc? Je suis à l'Union Compagnie Unique, c'est une société de compagnonnage. Donc là, je suis sur mon tour de France, je suis sociétaire dans cette association pour voir d'autres entreprises et apprendre, bien sûr. Donc ça fait 2 ans que vous êtes ici, vous avez 20 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris en 2 ans ici? Prendre des responsabilités, je suis arrivé ici en tant que commis de cuisine. Je sortais juste d'apprentissage, j'ai fait 2 CAP. J'ai appris énormément d'apprendre énormément de responsabilités, de tenir un poste et de gérer quelques personnes. Là, je suis en train de lever le turbo, c'est-à-dire enlever le filet qui est sur les arêtes. Donc là, c'est un filet, c'est un poisson plat à 4 filets. Donc on fait le contour, on le sépare en 2 et après on lève chaque filet. Il y a bien sûr, il y a l'autre côté. Donc dans votre main droite, un couteau avec une lame qui fait au moins 20 cm de long. Oui, c'est un filet de sol. C'est un couteau assez souple et tranchant qui permet de bien appuyer et de passer sous les arêtes. Enfin. Là, il est presque 11h, le service commence à midi. Est-ce que vous avez déjà eu, via la maître d'hôtel, le nombre de convives et les desiderata des clients ou pas? Non, pas pour l'instant. On le saura après, pendant le repas du perso, on va en parler et... On sera à ce moment-là. Le repas du perso, donc c'est le repas du personnel, c'est à quelle heure? 11h15. Et vous savez ce que vous mangez? On va faire des pâtes et aiguillettes de poulet. Dans la cuisine, il reste des trucs. Des trucs de la veille pour le lendemain. Tu les fricasses, c'est délicieux. Presque meilleur que le jour d'avant. Cette maison, l'univers, à quel âge? 1890. Donc plus de 100 ans. Oh oui. Donc ça veut dire qu'ici, on a toujours fait de la cuisine dans cette maison? Toujours. Les patrons, des gens qui étaient là bien avant nous, c'était l'auberge, une auberge. D'accord. Une auberge, au rez-de-chaussée, il y avait des chevaux. Est-ce que vous vous rappelez être venue petite? Manger ici? Vers l'âge de 7 ans. Mon père est Aveyronnais, ma maman est du Pas-de-Calais. Ils se sont rencontrés à Paris. Ils ont travaillé très longtemps à Paris. Mon père travaillait dans des grandes maisons, là au temps d'opéra, chez Doyen. Il a fait de belles maisons. Et après, il est revenu sur Villefranche, étant donné qu'il était Aveyronnais. On le connaissait, on l'a fait venir. Il a été chef au collège. Et après... il est venu ici comme chef et ça ne marchait pas du tout. Il a travaillé, les patrons étaient désespérés, ça ne marchait pas du tout. Et la patronne a dit un jour, écoutez, monsieur Grancet, chef, il n'y a que vous qui êtes capable de remonter cette maison. Donc en 47. Et mon père a dit, bon, je vais essayer. Patrick, il ne savait pas, comme ça ne marchait pas, il n'y avait rien, pas de matériel, il n'y avait rien pour travailler. Mais il a dit, bon, bah, écoutez, j'ai essayé, je prends la gérance, un an. Et quand il a été là, ça a monté, monté, monté. Il travaillait tellement bien qu'au bout d'un an, il a dit, écoutez, je ne peux plus garder la gérance, j'achète le fonds. Il a acheté le fonds. Christiane, quelle a été la recette miracle culinaire et autre de votre père pour remonter l'affaire? Oh ben, c'était des travailleurs énormes. Ils travaillaient tout le temps. Ils travaillaient tout le temps. C'était à l'époque où il y avait des forains qui travaillaient le soir tard. Ils les servaient à leur retour de la foire. À 11h du soir, ils les servaient. Ils faisaient un travail qu'on faisait à l'époque, ce ne serait plus maintenant. Et le matin, nous avions des foires très importantes à l'époque. On faisait quand même 450 couverts dans la journée, le 22 du mois, parfois 500. À la journée? On commençait à 4h du matin et nous terminions le soir à 4h de l'après-midi non-stop. Et à 4h du matin, nous avions les marchands de bestiaux qui étaient dans l'escalier avec un bâton. S'ils n'étaient pas levés à 4h, ils tapaient jusqu'à ce qu'ils descendent. Et allez, et les côtes d'agneau, les beefsteaks frites, les têtes de veau. Les tripots? Mais tout ça, tous ces choses-là. Mais très tôt le matin, et ça durait jusqu'à 4h de l'après-midi, sans arrêt. Vous aviez des marchands de bestiaux qui venaient manger à 4h du matin, ils revenaient manger à midi, et encore à 4h de l'après-midi, ils mangeaient quelque chose avant de partir. Ah, c'était ça, c'était une ambiance. Nous avions, je ne sais pas, 17 ou 18 serveuses. Ah oui, on servait partout. Les gens faisaient la queue. Dans l'escalier, il y avait la queue. Ils s'asseyaient sur les marches pour attendre des tables. Et les 22 du mois, je n'allais jamais à l'école. On savait que Christiane Cancé, et je n'allais jamais à l'école ou au lycée le 22 du mois. C'est la foire était le 22, une fois par mois. Et c'était le grand jour. Donc vous avez servi? Mais bien sûr, tout le temps. Vous avez cuisiné? Jamais. Je n'ai jamais eu le plaisir de cuisiner parce que mon père était chef. Je me suis mariée, il a formé mon mari. Après Quentin qui a pris la suite, j'ai jamais eu le plaisir de cuisiner. Je sens que c'est facile de cuisiner, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Et encore, je ne cuisine pas. On passe trois couverts, on aura trois menus grillades à Varin. Faites marcher trois amuse-bouches. Voilà le secret du foie gras truffé. 50-50. Pas comme dans leur boîte merdique. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Mais repartons de votre rôle ici à l'univers. Donc Quentin s'occupe du salé. On a compris quand même que c'est une nourriture, même si elle a été revisitée, assez riche. Qu'est-ce qui reste comme place pour le dessert, pour un convive qui a mangé peut-être de la ligot, de la viande, des choses très goûteuses? Et comment vous arrivez-vous à... Il faut toujours garder une place pour le dessert, dit-on, mais comment proposer quelque chose d'à la fois créatif, qui ait du goût, et que les convives puissent apprécier? Alors, ma spécialité, justement, au niveau des desserts, c'est de faire des desserts très peu sucrés, vraiment sur le fruit, sur la fraîcheur. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand je suis arrivée, j'ai diminué les quantités par deux de Quentin. On avait des assiettes qui étaient vraiment ultra servies, enfin voilà. Il m'a dit, attends, mais tu comprends pas, toi, t'arrives de Nice, mais en Aveyron, ils ont faim, quoi. Enfin, voilà. J'ai dit, mais attends, moi, après, les gens vont pas terminer le dessert, et puis... Ok, c'est presque, on se force quoi. Alors je dis pas qu'on va faire un restaurant gastronomique et on va se manger les doigts et on repart avec la faim. Non. Quentin, sa cuisine, c'est vraiment quelqu'un de très très généreux. Il m'a séduite avec sa cuisine. C'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est un des meilleurs sociétés que je connaisse. C'est le meilleur et c'est un des meilleurs rôtisseurs. Donc au niveau des cuissons, voilà, il a ça dans le sang. Il touche avec son doigt, hop, que ce soit des produits de la mer, que ce soit des produits de la terre, il est, voilà, c'est quelqu'un qui respecte énormément le produit, qui m'a beaucoup appris. Parce qu'en fait, moi, j'arrive de la Côte d'Azur, j'arrive de cette, on va dire, des écoles hôtelières et autres, et surtout des palaces, où on a une clientèle qui est différente. Et donc, si ces gens-là veulent manger de la mangue au mois d'août, ils auront la meilleure mangue au mois d'août. Donc pour moi, en fait, quand je suis arrivée, et que j'ai voulu commencer à créer les desserts, une carte équilibrée, c'était un dessert aux fruits rouges, un dessert au chocolat, un dessert aux agrumes et un dessert aux fruits exotiques. Quand elle m'a regardé, il m'a dit, non mais, il y a un problème. Ici, il n'y a pas de fruits exotiques. Il va falloir que tu apprennes à travailler avec la saison. Viens, on va faire le marché. tous les jeudis. Donc depuis 8 ans, il fait le marché tous les jeudis matin. Il m'a amené dès le début. Et donc là, j'ai appris en fait du coup à retravailler en fait avec la saisonnalité. Département, on sait pas très bien où, c'était un secret bien gardé. Ouais. Pour chercher quoi en fait? Ça c'est des tanous en fait, c'est pas quelque chose de sauvage, c'est quelque chose qui est cultivé. Les tanous ici, on appelle ça les tanous, c'est une sorte de graines de chou, vous voyez, une espèce de graines qui sont au bout d'une tige feuilleuse qui ressemble un petit peu à une asperge, qui a la texture d'une asperge et un goût de chou. Ça se prépare un petit peu à peine cuit, craquant, ça a vraiment un goût particulier de chou. C'est du chou monté en graines, quoi. C'est quelque chose que beaucoup de gens récoltent et ne consomment pas. C'est vraiment un truc d'Aveyronais, quoi. C'est un truc que nous, on jette en rien. Et voilà, donc on laisse monter les choux en graines. Et on a ces tanous qui se cuisinent traditionnellement avec soit du lard, de l'œuf, en vinaigrette. Nous, ça nous sert de garniture pour un veau d'Aveyron, là, qu'on sert. Ouais. On y va. Bisous, mamie. Ça va ? Quentin, Christiane, tout à l'heure, nous a raconté l'histoire de la maison. Ouais. Mais elle commençait à me dire, avant que vous arriviez, là, que vous vous gardiez sur le parking, un coup de fil qui est arrivé quand vous aviez 15 ans. Quand Quentin m'a téléphoné de Paris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Il est resté ici à l'univers. Ouais. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, sa maman l'a repris à Paris, elle l'a emmené à Paris. Et il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il était un peu branché sur tout, l'électronique, l'armée, tout y est passé. Le journalisme. Sauf à le journalisme. Ouais. Et puis voilà. Vraiment, c'est vraiment un coup de tête un matin, quoi. Et je me suis dit, non mais cherche pas, quoi. C'est... Alors il m'appelle et me dit, 7h30, je décroche. Quand tu m'appelles déjà à cette heure-ci? Ben, il me dit, ah ouais, oui, ça y est, j'ai réfléchi cette nuit, je sais ce que je vais faire le métier de papy. Ah ben je lui dis, ah bon, tu es contente? J'ai dit, bien sûr, mais je ne m'y attendais jamais. Ça a remué plein de trucs, ouais, parce que mon grand-père était encore en train de travailler. Moi j'ai vraiment fait ça parce que je sentais un élan, j'avais une énergie de le faire, quoi. Je me suis dit, non, mais vraiment. Un mot quand même sur le grand-père, Jacques, qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, Christiane. Et donc, la salle où on mange s'appelle Jacques Addy, en hommage à votre grand-père. Ouais, c'est ça. Tout était autour de lui parce qu'on voulait remettre au goût du jour une cuisine qui ne se faisait plus trop. Une cuisine de plein sauce à partager et vraiment... la pâte de mon grand-père, c'est ça, quoi. La pâte de mon grand-père, c'est le plat qui a mijoté, c'est le sauté de veau, quoi. Moi, c'est ce qui me vient souvent en tête. On lui prête souvent une recette de tête de veau, là, quoi. Les gens viennent pour ça et tout ça. Mais moi, c'est son sauté de veau parce qu'il avait un tour de main sur les sauces. C'était vraiment un grand saucier, quoi. Et je m'en suis rendu compte après, une fois que j'ai bougé, que voilà, quoi. Et Quentin, vous avez choisi la cuisine, mais vous auriez pu choisir l'armée. Sauf que la cuisine, c'est quand même un peu l'armée, vu la discipline. Il y avait ça, moi ça m'a pas dérangé de me faire gueuler dessus. J'avais ce rapport-là avec mon grand-père qui savait gueuler un coup et dans les 2 minutes qui venaient, une fois que le clash était passé, mais vraiment 3 minutes après, il savait avoir un regard tendre pour un de ses gars ou quoi. Il avait toujours un mot pour rire et tout. Il était hyper ferme et militaire dans sa façon d'organiser sa cuisine, mais il y avait quand même de la tendresse pour ses gars, quoi. Il disait ses gars et tout, et moi j'ai toujours vachement respecté ça. Et j'ai su me faire apprécier par des chefs. Sans forcément éviter de me faire gueuler dessus. Tant pis, quoi, je me fais gueuler dessus, mais ça n'empêche pas que par le travail, voilà, quoi, ça va. Il va y avoir un lien qui va se créer, quoi. Alors, Lisa, vous avez la main. Enfoui dans quoi, là? Un poulet. Il est mort. Il est mort, oui, on imagine qu'il est mort. Alors donc vous sortez du foie de volaille. Ouais, je sors tout ce qu'il y a à l'intérieur, les poumons, le cœur et les gésiers quand il y en a. Ça c'est pour faire un fond blanc. Lisa, à 9h, vous étiez en train de couper des oignons. À 11h moins le quart, vous avez l'avant-bras enfoui dans une poule. Oui. Vous avez déjeuné ce matin? Oui. À quelle heure? 7h30. Vous avez mangé quoi? Des chocolatines. Ça va l'estomac? Oui, je regarde pas, mais ça va. Vous n'avez jamais eu de haut-le-cœur en cuisine? Parce que vos parents sont dans la restauration, mais ça ne se transmet pas, le rapport à la matière. Là, vous avez la main droite pleine de sang. Comment vous gérez ça? Là, du coup, j'ai pas très faim, mais enfin, ça me dérange pas plus que ça, ça va. C'est un marchand du poulet avec un peu de sauce que j'ai connu des secrets. Mets du poivre et puis du sel avec un peu de sauce. Quentin, on entend le mot sauce, ouais. Saucier. Ouais. C'est quoi une sauce? C'est quoi une bonne sauce? Et qu'est-ce que c'est être maître restaurateur, puisque telle est l'appellation qu'il y a sur le frontispice, on pourrait dire, la devanture de votre restaurant? L'anecdote la plus marquante, en fait, c'est que quand je rentre justement du lycée hôtelier, à 18-19 ans, donc j'étais en première année de BTS à Toulouse, j'étais revenu un peu dans la région, j'ai fait quelques stages et tout ça, et puis je faisais une bisque qui était correcte, quoi. Et mon grand-père ici, c'était quand même une sauce voilà, de fou qui faisait super bien, et il servait carrément la quenelle, la bisque et tout. Donc je lui dis, ouais, papy, j'aimerais bien faire une bisque et tout, parce que j'entends qu'en mise en place, ils doivent en lancer une dans les jours qui viennent. Et il me dit, la bisque, ouais, t'es sûr? Parce que voilà, quand il fait une petite moue, parce qu'il sait que c'est une sauce pour laquelle il faut quand même un sacré tour de main, quoi. Et je lui dis, ouais, s'il te plaît, je la fais bonne et tout, tu vas voir, je la réussis bien et tout. Et il me dit, ok, je te fais le fumé de poisson qui sert à mouiller la sauce. Donc le mouillement, il ne se fait pas avec de l'eau, c'est vraiment, on mouille avec un fumé. Donc il prépare le fumé en amont. Et il me dit, ok, bah écoute, tu fais avec ce que je te donne là, et voilà. Et je lui sors la bisque, et je la réduis, je la fais tout ce qu'il faut. Et je la lui fais goûter. Il me dit, elle est bonne, mais elle n'a pas d'âme. Alors ça, c'est un truc, mais ça me fait péter les plombs, quoi. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai dit, mais si ça n'a pas d'âme, c'est pas bon. Il me dit, si, c'est bon. Alors c'est bon, ça a un bon goût, c'est bien fait. Mais ça a pas d'âme, Quentin, désolé, mais ça. Il me dit, je t'écoute, j'ai gardé la moitié pour t'en refaire une. Il lance une bisque. Mais je sais pas comment dire, il fait tout croûter trois fois plus que moi, il met dans le four, il prend le temps de flamber, de compoter les légumes, tout. Il fait exactement avec les mêmes ingrédients, la même chose, la même gamelle en cuivre que j'utilise encore pour faire mes jus de viande et tout ça. Et avec la même gamelle, la même quantité, les mêmes produits, il me sort un truc, mais c'est 10 niveaux au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le goût, il y a le palais qui est excité, mais en plus, il y a le petit frisson qui va avec, quoi. Et à 19 ans, j'ai vraiment compris ça, quoi. Et si tu sais faire ça, c'est super de faire des jolies assiettes ou des cuisines sous vide, au poil de fesses et tout ça, et tout, sans sait faire, parce que voilà, une recette, elle nous l'explique. Mais ce tour de main là, c'est inexplicable. Je pense qu'il y a des gestes voilà, qui se transmettent par n'importe quelle émission de télé, n'importe quel truc de tuto, comme on dit là, sur Internet, on n'arrivera jamais à le faire. Là, le jour où il m'a montré ce truc-là, moi, j'ai tout compris. Pour moi, ouais, l'essentiel de ce qu'était la cuisine que je devais faire ici. Quelle était l'odeur de la cuisine qui imprégnait les lieux de votre enfance ici, à l'univers? La cuisine, moi je me souviens beaucoup des plats qui restent encore, la tête de veau, les pieds de porc à bigote, les sauces. Toutes ces traditions, donc, Quentin en est l'héritier. Bien sûr. Et en même temps, il a ajouté... Il a amené autre chose, lui. Il est passé à la télé. Vous, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Mais moi, j'étais très contente. Et là, ça nous a amené énormément de monde. Ça a été quelque chose. Beaucoup d'étrangers, des Suisses, des Belges, beaucoup, beaucoup. Et encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui viennent. Est-ce que Quentin et Noémie sont là? La rencontre avec Noémie, Qu'est-ce que ça a transformé dans la vie, alors, la vie personnelle de Quentin? Il s'est marié, il a des enfants, mais dans sa façon de cuisiner. Mais Noémie, il a beaucoup... Noémie, c'est surtout la pâtisserie, mais elle est cuisinière aussi. Si Quentin s'absente, elle le remplace. Donc, ils sont en harmonie tous les deux. C'est un beau couple, quoi. Ils ne font pas de cadeaux dans le travail, hein. Travail, travail. Mais enfin, c'est très bien. Il faut savoir qu'on est très, très, très, très dur l'un envers l'autre sur le plan professionnel. Dès qu'il fait une recette, voilà, je lui dis directement, il manque ça, ça, ça. Alors, il m'envoie balader et tout ça. Et puis... quelques heures après, il aura modifié avec les conseils que je lui redonnais. Et moi, c'est pareil. Il va goûter un dessert. Non, mais ça, ça va pas. Et puis, on a quand même un petit peu d'orgueil, un petit peu de fierté. Et ça, c'est comme ça dans notre couple depuis le début. Et ben, en fait, on va les modifier un petit peu derrière où on est en voiture parce qu'on fait beaucoup de prestations extérieures. Même quand on est en vacances. Et puis, on réfléchit à des recettes, on rêve. Donc ça, là-dessus, on évolue vraiment comme ça. Comme je vous ai encore dit une autre fois, je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Et Quentin, c'est mon petit mari, et enfin mon grand, hein, parce qu'il fait 1m85. Et il m'apporte ce côté où il rêve énormément et il change énormément les choses. Il évolue tout le temps. Il apporte toujours de nouvelles idées. Des fois, moi, j'arrive pas des fois à suivre parce qu'en fait, moi, je suis plutôt la personne perfectionniste. C'est bon, quand on dit une idée, moi, je vais au bout, je réfléchis, je me pose et je me fixe là-dessus. Lui, par exemple, je sais pas, depuis qu'on a l'univers, il a dû changer de concept, je sais pas, peut-être 10, 15 fois, quoi. Enfin, il est, ah ben, tiens, on va mettre un menu temps, on va faire ça, on va descendre en bas la cuisine, on va se mettre en haut et on va faire un bistrot en bas et puis on va ouvrir ça. Enfin, des fois, j'arrive pas à le suivre parce que je suis quelqu'un qui, il rêve tout le temps. Lisa, elle vous a pas vu parce qu'on est dans le noir, là. Elle est éclairée. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Je crois qu'elle passe le fond de sauce. Ou alors c'est un fumet de poisson, ou alors c'est un fond de sauce. On va vérifier. Je vais crier un coup, attention. Les gars, oui. Salut. Salut. C'est quoi qu'elle passe, la petite, là? C'est le fond. C'est le fond, ouais, c'est ça. Bonsoir. Salut, Michel. Oui. En forme? Ah non, le coronavirus, on touche plus. Ah, pardon. Je t'écoute. Ça va? Oui. En forme? Oui. T'as mangé? Oui. T'as déjà interviewé et tout? Oui. T'as dit quoi? Des trucs gentils sur moi? Oui. T'es intéressant, t'es viré. Elle avait l'avant-bras dans un poulet à 11h. Et... c'est bon ça. Ah ouais, vous avez fait le fond blanc. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Là, elle est en train de le passer. Ça sert à quoi? Et elle le foule, on dit fouler comme quand on fait le raisin. Parce qu'en fait, le goût il est dans les os là. Vous voyez, il y a un peu de viande qui est attachée. Donc en fait, ça c'est de la volaille. C'est des petits pilons de poulet et tout ça. Donc on garde le suprême et la cuisse pour mettre la cuisse et le suprême pour faire les menus du jour là, 19€ le midi. Et sinon par contre la carcasse, elle sert à faire le fond blanc et les petits pilons, on fait un jus de volaille avec. Donc on fait colorer ces carcasses, c'est toujours pareil, l'histoire de la bisque là c'est pareil. Dans la grande gamelle en cure, qui doit être à la plonge maintenant. Et ensuite du coup on déglace, on ajoute une garniture aromatique d'oignons, de carottes, tout ça. Là ils ont déglacé avec du vin rouge, c'est ça qui a donné cette teinte un peu foncée. Et donc là, elle est en train de le passer, le fouler. Les gouttes là, qu'elle fait sortir maintenant, là, ces toutes petites gouttes qui sont là. Ça va, Tristan? C'est en place, c'est bon? Je peux continuer à parler? Elle est arrivée la semaine dernière, quoi. Et je trouve ça super parce qu'elle fait, ça fait deux fois qu'elle tape des fonds de sauce à passer. C'est vraiment un truc, je pense, de plus en plus essentiel dans la cuisine, quoi. C'est que. Enfin, moi, en tout cas, sans ça, je peux plus travailler. Mon grand-père, il avait dit ça un jour, il y avait des services d'hygiène qui étaient venus. Et il avait des fonds de sauce dans la chambre froide. Et il le faisait super bien, il le faisait bouillir tous les jours, il refroidissait, changeait la marmite, il y a une cellule de refroidissement et tout, quoi. Mais il les gardait dans les marmites, c'était un peu plus à l'ancienne. Il n'avait pas eu l'éducation à chasser CP que j'ai eu dans les listes hôteliers, quoi. Et donc, les mecs viennent, ils font deux, trois critiques, mais dans l'ensemble, ça va et tout. Mais bon, ils sont quand même un peu chiants. Et je m'en souviendrai plus, mais vraiment toute ma vie, ça. Ils arrivent dans la chambre froide, ils ouvrent, ils font, mais ça, monsieur Bourdi, c'est un fond de sauce, quoi. Là, il a dit, écoutez, là, c'est simple, on continue pas. Si ça, je peux plus le faire, moi, je perds mon âme. Encore une fois, j'ai l'histoire d'âme. Il dit, moi, si ça, je perds mon âme. Donc, vous prenez mon tablier, vous fermez le restaurant, et c'est terminé. Mais vraiment, il leur a crié dessus, quoi. Et ils étaient, je sais pas, deux, trois, et la personne qui était en charge, elle s'est retournée vers eux, elle fait, non, non, c'est bon. Sérieux, on regarde pas? Non, non, c'est bon. Voilà. Et en fait, là, le goût qu'elle est en train de faire sortir, depuis tout à l'heure, c'était un peu plus humide. Là, c'est en train de devenir sec. Là, c'est ces petites gouttes-là là, qui donnent vraiment le... Enfin, voilà, il faut qu'elle passe du temps dessus à le fouler. Comme un vigneron, quoi, qui fait ça avec les pieds. Il y en a qui le font maintenant, nous. Tape, hein, tant pis, fait du bruit. Hein. Tape, tu tapes comme ça. Est-ce qu'elle va faire ça? En plus, ça, c'est... j'avais un chef, il disait ça, il disait écoute comme ça sent bon. C'est pas mal ce truc pour la radio. Eh, c'est un titre. Hein. Écoute comme ça sent bon. Parce qu'on cuisine vachement avec le son, nous ici. Dans une poêle, moi je sais s'il y a assez de gras ou pas. Mais de dos. Une poêle là, de dos, je dis ah, vas-y, rajoute du beurre. C'est sûr, quoi, je sais. Ça fait pas assez. Hein. Sur sa cuisine, lui va vraiment m'amener le goût, le côté vraiment de son enfance. Où moi, pour le coup, des fois, je suis un peu trop peut-être sur la fraîcheur, j'adore travailler les agrumes. Lui va m'apporter ce côté gourmand, ce côté, ses souvenirs d'enfance à lui. Il veut qu'un moelleux, ça coule, mais on va faire un coulant avec de la noisette, les noisettes qu'on prend près de Flagnac, un petit village d'ici, avec des petites mamies qui les cassent à la main. Voilà, on a des... Il me dit, ma chérie, j'aimerais que tu me fasses une tarte aux noix. Je dis, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une tarte aux noix? Il me dit, ah si, moi, j'adore ça, là, là. Donc du coup, je vais réfléchir à ce qu'il aime. Le caramel au beurre salé, la petite pâte qui vient bien croustiller. Et puis ben moi, j'apporte la petite fraîcheur, une petite crème glacée au citron caviar qui vient de Villeneuve, un petit village d'à côté d'ici. Parce qu'on a aussi du citron caviar en Aveyron. Et voilà, ces petites choses-là où moi, je vais faire ma technique, on va dire le visuel. Je vais apporter beaucoup de technique, le côté de mes concours. Et Quentin va m'apporter le côté vraiment gourmand, le côté enfance. Et après, moi, ce que je vais lui apporter dans sa cuisine, moi, ce serait plus le côté technique et visuel. Qui des fois est un petit peu, mais il a fait des efforts, parce que s'il entend ça, ça va me retomber dessus à la maison. Non, c'est plus le côté, ouais, le côté technique, où il vient me demander des fois, parce qu'un cuisinier, en tout cas Quentin, il ne pèse pas les choses. La pâtisserie, lui, il trempe le doigt, il goûte. Moi, tout est pesé. Donc j'ai quand même mon côté de cuisine, où quand je viens assaisonner des fruits ou autre chose, j'ai mon côté cuisinier qui revient sur l'assaisonnement, sur tout ça. Mais lui, par contre, il m'appelle dès qu'il a une recette à peser ou une pâte qui fait un sablé salé ou autre. Ah, bah tiens Noémie, comment on fait pour la technique ou combien tu mettais déjà? Parce qu'il note rien et il déteste peser les recettes. Et c'est vrai qu'on a ce côté rigoureux et pâtissier et un peu chimique en pâtisserie qu'on n'a pas en cuisine, où on est un peu plus cool. Voilà, pose-les là-bas, je m'en occupe. Bien imaginé. Elle a d'où, t'as? Le meilleur cidre bouteille que j'ai goûté. 7,5 degrés. Mais alors, ça, c'était du cidre. Et c'était anglais, c'était même pas breton. Exceptionnel. 11h30, Laurent. Ouais. C'est le déjeuner du perso. C'est ça, moi. Au menu? Au menu, aiguillettes de poulet et coquillettes. Voilà. Et ça? Et ça, c'est, petite, ça, c'est pour le café. C'est petite meringue. Ouais. C'est meringue fraise passion. Est-ce que vous êtes déjà pas rassasié d'avoir cuisiné toute la journée pour d'autres? Jamais. C'est ça le problème. Je suis jamais rassasié. Et vous, Tristan, c'est pareil? Après, c'est une question d'habitude, mais après, nous, c'est censé qu'on ne va pas manger après, avant ce soir. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez commencé à 9h, jusqu'à quelle heure? Laurent et moi, on a commencé à 8h, et ça sera sur les 3h à peu près. On aura terminé le temps de faire le ménage et terminer ce qu'il y a à faire en mise en place. Après, c'est quoi, c'est sieste? Oui, enfin pour moi, ouais. Juste une dernière question, Laurent. Est-ce que, en fait, la cuisine, c'est d'accommoder la nostalgie? Oui, énormément. Je pense que si on n'est pas sensible, on ne peut pas faire ce métier. Enfin, à quelque part, ouais, il y a beaucoup de sensibilité dans la cuisine. Le service aussi. Enfin, c'est, à quelque part, on peut cuisiner un peu les émotions, mais c'est le but, je pense. C'est comme ça qu'on crée sa propre cuisine. Ça veut dire retrouver des choses qu'on a déjà goûtées en enfance, mais bien sûr. Choses que faisaient nos grands-parents. Ou... Ça vous vient une grosse influence sur la cuisine, ouais. Et c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose, ça. De refaire des choses qu'on a goûtées quand on était plus jeune, de dire, ah, ça, je me rappelle de ça. Essayer de le retransmettre différemment. C'est une très bonne chose, ouais. Oui, c'est la base de tout cuisiner. Enfin, grand cuisinier, oui, je pense. Bon appétit. Merci. T'as augmenté les raisins ? J'ai pas regardé. Ça a pas sonné, j'en suis. Et comment vous faites aujourd'hui, Quentin, avec une brigade autour de vous ? Alors, on est à... Déjà, il y a un employé de la maison qui s'appelle Laurent, qui a travaillé même avec mon arrière-grand-père, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont transmises de mon grand-père à moi à travers lui. En même temps, c'est quelqu'un qui est très proche des jeunes. Moi, je pense que le second, en fait, dans un restaurant, il a vraiment, c'est lui qui fait le lien avec les gens, quoi. Il y a beaucoup d'histoires, par exemple, des chefs qui pètent les plombs ou des cuisiniers qui sont maltraités et tout. C'est même pas tellement souvent le chef, c'est très souvent le second, quoi. Parce que le chef le laisse en roue libre et le mec a une pression énorme parce que c'est, en fait, lui qui tient la boutique. Phrase de Bocuse, c'était ça, c'est... Quand on lui demandait qui fait la cuisine quand vous n'êtes pas là, il disait bah, les mêmes que quand je suis là. C'est ça, c'est eux qui ont les produits dans les mains et qui sortent ce que moi je veux. Alors ça n'empêche pas que le matin, moi je suis là, j'épluche les oignons, c'est moi qui suis sur le marché, je fais les fonds de sauce, je fais tous les trucs et tout ça. Je dresse une bonne partie des assiettes pendant le service, mais sans eux je suis rien, je peux rien faire, quoi. J'ai quand même, par rapport à mon grand-père, un peu détendu l'atmosphère, je pense. On a descendu un étage de l'univers, donc là on n'est pas à flanc de l'Aveyron, mais on voit. Alors de l'autre côté, oui. On pourrait piquer une tête quand même. Là, presque. Regardez, là, ici, oui. Alors, papy, quand il était là, il nous racontait. Quand c'était l'heure du repas du personnel, ils avaient deux cannes à pêche sur le balcon. Et en fait, ils pêchaient les truites directement pour les mettre dans la casserole tout de suite pour le personnel. C'est véridique, hein. Mais bon, malheureusement, après, avec les pesticides et autres, vaut mieux éviter de manger ça. Noémie, je voudrais qu'on parle jargon de cuisine. Avant, on parlait terroir, maintenant on appelle ça locavore. Avant, on parlait cuisine, on entend bistronomie, gastronomie, fooding. Vous faites quoi ? Vous faites de la cuisine ou... C'est quoi toutes ces appellations ? Je pense que ce sont des termes un peu à la mode, qui dépoussièrent. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on fait à manger pour des clients. Je veux dire, que ce soit locavore, bistronomique, gastronomique, il faut tout de suite qu'il y ait des étiquettes, on va dire, à ce qu'on fait. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que les clients soient contents et puis qu'ils reviennent. Voilà, donc évidemment, aujourd'hui, on est dans le fooding, on en est très fiers. Mais je veux dire, on a Villefranche de Rouergue, hein. On n'est pas à Paris ici, voilà. On fait à manger pour des gens contents et puis on travaille évidemment des produits du coin. Je veux dire, quand Quentin reçoit des lièvres, il les désosse entièrement à la main, il les farcit au foie gras, il les cuit au torchon comme son arrière-grand-père, il fait le lièvre à la royale avec la sauce liée au chocolat et au sang. Ben voilà, ça c'est des plats, voilà, il y en a qui viennent que pour ça, pour manger ça. Et puis il y en a d'autres qui viennent pour manger un menu dégustation pour découvrir certains produits et autres. Et roquette ? Ouais. Il y en a pas roquette, pardon, moutarde, feuille de moutarde. Ouais. Et en plat, purée de pommes de terre, carottes et suprême. Et suprême. Et ce sont les oignons. Et panna cotta en dessert. Et panna cotta en dessert. C'est un peu salé, purée. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, Tami ? J'ai pas une entorse ou une tannée. C'est un poil salé. Je l'ai débranché, je l'ai rebranché. pas de fond blanc mais froid. Si l'on met. Tu le montes ? Ouais. Tu mets un peu de fond blanc mais froid dedans, tu mets. Pour casser le sel un peu. Ouais. C'est vos têtes de veau. Ça c'est rustique, hein. C'est en même plan, c'est en cocotte à l'ancienne. Une petite entrée avant, mais petite parce que pareil, la portion. Tristan, la fin de votre séjour ici à l'univers, c'est programmé pour quand ? Septembre. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, chez les compagnons, pour éventuellement progresser dans l'accompagnage, il faut tailler ce qu'on appelle une pièce. Donc moi, je taille ma pièce en novembre, mon éventuel projet, pour être admis aspirant. Alors, si vous étiez tailleur de pierre, j'imagine que vous prendriez un burin pour tailler une pierre. Là, vous allez tailler quoi ? Une pièce de bœuf ? Non, là, je vais faire un plat froid. Parce que, c'est une gantine de poule avec un montage à l'anglois à l'intérieur, avec accompagné de 3 garnitures, une garniture d'automne. Donc c'est un montage en damier de cèpe et de butternut posé sur un sablé de Rodez. Après, je fais une dariole de légumes, donc carottes, poireaux, et un flan à l'ail rose de Lautrec pour rappeler mon village. Ça, c'est une création ultra personnelle. Personnelle, oui. Est-ce que ça veut dire, Tristan, que après le service, vous travaillez votre future taille en arrière-cuisine ? Oui, Quentin et Noémie me prêtent la cuisine, les matériels et les produits pour que je puisse m'entraîner. Résumons, Quentin. En fait, vous accompagnez le produit. Vous le transformez à peine parce que la carotte, elle a tellement de goût. Le chaud ou ce que vous avez amené tout à l'heure a tellement de goût que pourquoi le noyer sous une sauce et le complètement transformer ? Oui, non. Enfin, moi, c'est ce truc de se fondre. Comme je disais tout à l'heure, la bisque là, se fondre dans la matière. Quand mon grand-père, il se fondait. Il était la langoustine. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un sentiment que j'ai des fois quand je suis sur la. Je vois la plancha, je vois un truc qui grille dessus ou un jus. Là, celui-là, il est en train de s'épaissir un petit peu. Il va falloir lui remettre un coup de fond blanc. Il va falloir peut-être l'assaisonner ou quoi. Enfin, et chaque regard que je pose sur chaque truc, je ressens ce qu'est le. C'est-à-dire que c'est plus à un moment donné, ça devient plus. Le métier rentre dans le corps, quoi. Comme le. Je sais pas, l'œil d'un luthier ou quoi. Enfin, on voit des trucs que les gens voient pas. On ressent des choses que les gens ne ressentent pas. Et nous, on travaille vraiment avec tout notre corps. On travaille avec le toucher, on travaille avec le goût, on travaille avec l'olfactif, on travaille avec le son, on travaille avec... En fait, c'est vraiment le seul métier, on travaille avec tous les sens, quoi. Mais le seul pour le coup. Et quand on choisit d'être cuisinier, on le choisit, quoi. C'est pas on devient cuisinier comme ça, non, on le choisit. On le choisit et après, on assume le choix, quoi. On est obligé d'aimer les paysans à un moment donné si on veut faire quelque chose de bien et qu'on a une ligne de conduite dans sa vie, on est obligé d'aimer les paysans et puis on est obligé d'aimer les gens. C'est une phrase encore qui est là, on est obligé d'aimer les gens, on est obligé d'aimer inconditionnellement les choses qui passent à côté de la vie de plein de gens, quoi. C'est pas que c'est grave, c'est juste que les gens s'arrêtent plus du tout pour comprendre le. D'où vient l'oignon, d'où vient le... Qui nous donne à manger, quoi. Qui nous donne à manger, quoi. Pourquoi on mange, qui fait ce qu'on mange, quoi. Les gens, ils n'ont vraiment plus rien à cirer, quoi. Et là, il n'y a plus d'amour, quoi. Là, il n'y a plus d'amour. Dans le sachet ouvert, c'est pas que c'est pas bon, en plus. Il y en a même qui sont bons. Mais c'est juste que là, pour le coup, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien avec les gens, il n'y a plus de... Revenons à la tête de veau quand même. Oui. La pièce maîtresse qui traverse la génération. Racontez-moi un peu, avant qu'on la goûte, c'est quoi la recette ? C'est quoi le c'est mystère qui vous a été transmis ? C'est de la langue, de la joue et du museau de veau qui ont été pochés, cuits dans un bouillon, refroidis, découpés à froid, réchauffés à nouveau au moment dans un bouillon avec des pommes de terre vapeur. Et une sauce qui est une sauce truc ça, c'est compréhensible. Non, mais c'est une vinaigrette, en fait. C'est une simple vinaigrette. Mais elle est tellement épaisse, elle est tellement moutardée, il y a une manière de l'émulsionner, l'émulsion, qu'elle... comment dire, elle tient sur le chaud. Alors qu'une vinaigrette, ça, sur le chaud, ça trie tout de suite. Ouais. Ça aurait été. Et là, la texture que mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils avaient mis au point sur cette vinaigrette, hein, et ça a sauvé la maison. À un moment donné, on faisait quand même beaucoup moins de monde. C'est le poulet qui grille. On faisait beaucoup moins de monde. À un moment donné, vraiment, c'était beaucoup plus calme. Et par contre, le dimanche midi, il y avait toujours 30 ou 35 couverts qui venaient manger 30 ou 35 têtes de veau. Quoi. Moi, j'ai un souvenir de Laurent qui se mettait en place pour 30 têtes de veau tous les dimanches midi. C'est un plat qui a sauvé la maison parce qu'il y a des gens qui venaient pour ça. Et alors, l'histoire de fou, je passe à la télé, je fais les travaux dans le restaurant. Bon, c'était indispensable les travaux, mais quand même, on fait un joli restaurant et tout ça. Je mets une carte en place énorme au début, maintenant il n'y a presque rien. Je mets une carte en place énorme avec du choix, avec plein de recettes. Voilà, j'ai 23 ans et tout. 50 couverts réservés au premier service, ouverture au mois d'avril. On sort la carte, les gens, ils ont dit non, mais c'est bon, vous venez manger la tête de veau. Les deux premiers couverts. Mais j'étais fou furieux, quoi. J'étais à tout ça pour ça, en fait. Pourquoi t'as tout cassé? C'est vraiment la question que je me suis posée. J'ai dit putain, mais ça va pas se faire tout seul, hein, le changement, quoi. Et ils ont réservé, genre, c'était les deux premiers qui avaient réservé, c'est les deux premiers qui sont arrivés. Ils ont dit non, on veut juste une tête de veau et un verre de Gaillac. J'ai dit, mon gars, tu vas en chier. On a pas ça, pas ça, c'est tout ça. Véridique, hein. Véridique. Restaurant L'Univers, une histoire de famille. Avec Christiane Cancet, Noémie et Quentin Bourdi et la brigade du restaurant. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. Bœuf, araignée de mer et caviar. Royal d'araignée de mer. Cœur de filet de bœuf de Salers. Au caviar, au cierre. Petite quenelle au caviar pressé. Galette de blé noir au navet blond. Millefeuille croustillant au château Climens, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuille et miel d'arbousier. Une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Le chevreau. Pièce de chevreau rôti, feu d'enfer. Abat grillé, jeune fenouil et radis glacé en aigre doux. Caillettes aux olives noires de Luc. Cannelé à la pimpronelle et fromage de chèvre frais, agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau, hailleton de l'Aveyron, sel poêlé à l'origan, carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbales de riz à l'oseille pourpre, escargot petit gris sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil. Feuilles cigarettes de chou Shanghai, panis, deux personnes. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en attendant la réouverture, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, cap sur le CAP cuisine. Mais en attendant, restez à l'écoute.